La science CQFD, Natacha Triou. Le 11 mai sort aux éditions Les Arènes La naissance du savoir dans la tête des grands scientifiques par Nicolas Martin aux éditions Les Arènes donc. Comment naissent les idées scientifiques ? Comment pensent les plus grands chercheurs de notre temps? Comment leur pensée s'organise? Pensent-ils en mots, en images, en concepts? Un astrophysicien réfléchit-il comme un linguiste? C'est autant de questions que pose ce livre, qui réunit les témoignages de 17 grands scientifiques. 2 prix Nobel, 6 médailles du CNRS, 2 grands prix de l'INSERM. Et puis après tout, est-ce qu'il existe un esprit scientifique? La naissance du savoir, les grands esprits scientifiques se rencontrent. Hélène Lovenbruck, bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste et neuroscientifique, directrice de recherche au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition à Grenoble. Yves Agide, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire, membre de l'Académie des sciences et membre fondateur de l'ICM à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et enfin, une voix qui ne vous sera pas étrangère si vous êtes féru de science ou de radio, Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Quelle joie de vous retrouver. Bah, écoutez, c'était particulier d'être ici. Merci de m'inviter, en tout cas. Vous êtes auteur, scénariste, réalisateur et producteur, un producteur de la méthode scientifique sur France Culture. Voilà, on le rappelle. Pendant 6 ans. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'articles, d'études. C'est tout de suite à Science CQFD. Jusqu'à 17h, nous discuterons donc de s'il existe un profil type du grand chercheur, de comment se déroule la réflexion scientifique jusqu'à la découverte et des zones cérébrales impliquées dans les processus de recherche. Pour commencer, quelle différence entre vous, moi et un génie? La question est posée en 1978, on ausculte le cerveau d'Einstein légué à la science. D'après les méthodes que nous pouvons utiliser, il n'y a pas de différence. Et pourtant, il est vraisemblable que le fonctionnement cérébral d'un homme de génie doit différer par quelque chose du cerveau d'un homme du même âge, d'intelligence moyenne, comme vous le disiez. Mais il faut pour cela certainement recourir à des techniques qui sont du domaine de la futurologie, dont nous ne disposons pas actuellement. Est-ce qu'on a étudié le cerveau de nombreux hommes de génie? Chaque fois qu'on l'a pu. Et alors on a trouvé dans ces cas-là que les génies qui sont morts relativement jeunes avaient des cerveaux comparables aux hommes de leur âge et que lorsque, comme pour Einstein, il est mort à un âge avancé, eh bien, il présente tous les signes de dégradation cérébrale d'un homme du même âge, mais pas de la même intelligence. Il y a sûrement pourtant une différence quant au fonctionnement du cerveau. Seulement, on entre là dans un domaine qui est si complexe que il faut attendre l'avenir pour posséder des méthodes permettant de trouver une différence. Voilà notre archive de 1978. Yves Agide, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? C'est pas François Lhermitte ? Exactement. Je regrette sa voix. Parce que vous savez qui était François Lhermitte ? Dites-nous. C'est mon patron. C'était le patron qui dirigeait le département de neurologie avant que je prenne quelques responsabilités. Oui, alors le cerveau d'Einstein, juste un mot, il a été étudié quand même par plusieurs équipes. J'ai vu même les morceaux du cerveau coupé en tranches d'Einstein. Et j'ai correspondu avec la personne qui a fait l'analyse histologique de son cerveau. Et l'idée, c'est qu'il y avait une petite anomalie, une petite différence dans le cortex temporal gauche, bon, peu importe. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que cette personne m'avait dit, mais encore une fois, c'est pas vraiment scientifique, mais m'avait dit, donc c'était quelqu'un qui connaissait, qu'il y avait plus de cellules non neuronales que de neurones. Ce qu'on appelle les cellules gliales. Moi, ça m'avait beaucoup intéressé, parce qu'on se demande à quoi servaient ces cellules gliales. Voilà. Hélène Lovenbruck, une réaction, vous aussi, à ce qu'on vient d'entendre? Oui, tout à fait. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu envie de regarder ce cerveau alors qu'il n'est plus branché. Et en fait, ce qu'on sait, c'est surtout dans le vieillissement, ce qui peut se passer, ce qu'a montré notamment ma collègue Monica Bacciu au laboratoire de psychologie et neurocognition, c'est les personnes qui ont un vieillissement moins dégénératif vont avoir une organisation cérébrale un petit peu différente, donc des liaisons qui se font interhémisphériques et puis à l'avant du cerveau et à l'arrière du cerveau qui sont plus efficaces, plus efficientes, et c'est peut-être ça qu'il avait comme différence Albert Einstein. Nicolas Martin. J'ai entendu, mais je vais demander ça à Yves, j'ai entendu dire, mais vous allez pouvoir me confirmer ça, que Einstein avait ce qu'on appelle une méga grande citerne dans le cerveau. C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas. Moi, j'avais une autre petite anomalie dans le cortex temporal. Mmh. Je crois que c'est le planum temporale qui sert pour le... Donc, qui est particulièrement développé et là, qui est un centre, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de centre dans le cerveau, mais un centre pour le langage. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Einstein, quand il parlait de ses découvertes, il disait « je ne raisonne pas en langage, je ne raisonne pas en mots ». Il disait magnifiquement « c'est comme un regard ». C'est comme un regard. En effet, Albert Einstein le dit dans une de ses lettres, « les mots et le langage écrit ou parlé ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont pour moi certains signes ou bien des images plus ou moins claires qui peuvent à volonté être reproduits ou combinés. Les éléments que je viens de mentionner sont dans mon cas de type plutôt visuel. » On va voir dans quelques instants comment justement s'articule, comment se structure la pensée. Mais sur cette fameuse pensée scientifique, Nicolas Martin, dans votre ouvrage, vous commencez par écrire « Un scientifique est-il un humain comme les autres ?» La question peut paraître saugrenue, mais elle n'a cessé de me hanter ces dernières années. Oui, c'est vrai, parce que en fait, ce livre, c'est vraiment l'aboutissement de 6 ans de réflexion et de travail à la méthode scientifique. J'ai fait un rapide calcul. Je pense qu'en 6 ans, j'ai dû voir passer à minima 2000 chercheuses et 2000 chercheurs, peut-être même 2500 avec, oui, 440 émissions par an, fois 6, fois 2 invités. Bon, le calcul est rapide, je vous laisse faire un peu de calcul mental. Ce qui m'intéressait, et c'est intéressant la citation que vous venez de faire d'Einstein, c'est vraiment de se dire, effectivement, est-ce qu'il y a une typicité de l'esprit scientifique? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'engager une carrière dans la recherche, de s'intéresser à un sujet de recherche particulier qu'on va travailler pendant des années et des années, configure le cerveau, la pensée d'une certaine manière? Et avec une question un peu rétroactive, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un ticket d'entrée en fait? Est-ce que tout le monde peut devenir prix Nobel ou pas? Ou est-ce qu'il faut quelque chose de particulier? C'est pour ça que je disais, sont-ils des êtres humains comme les autres? Est-ce qu'il faut être un peu atypique pour se lancer, pour devenir un grand chercheur ou une grande chercheuse? Et c'est cette question-là que j'ai essayé de renseigner. C'est à cette question que j'ai essayé de répondre justement dans le livre en interrogeant 17 personnes avec un questionnaire qui est à peu près toujours le même, pour essayer de voir si, comme vous l'avez dit, un mathématicien pense comme un neurologue ou une linguiste. Mais justement, pour répondre à cette question, y a-t-il un ticket d'entrée pour devenir un scientifique? Un questionnaire unique, un échantillon de 17 personnes, comment on y arrive? Quelle a été votre méthode, Nicolas Martin? Puis peut-être définir qu'est-ce que c'est aussi un grand scientifique. Alors ça c'est une bonne question. Enfin en tout cas c'est des gens dont le travail est reconnu par leur communauté en fait. Voilà. Et l'idée c'était vraiment d'avoir 17 disciplines distinctes. Ma méthode, alors je le dis dans l'introduction, dans la préface, c'est un travail finalement qui s'apparenterait plus à un travail de sociologie ou d'épistémologie, tout en disant que je ne suis ni sociologue ni épistémologue, et que ce que je fais, c'est avant tout un travail de journaliste et d'intervieweur. Et du coup, en fait, évidemment, je suis pas la première personne sur Terre à m'être demandé ce qui se passe dans l'esprit des scientifiques. Ça date, ça, les premiers datent de 2000 ou 3000 avant notre ère. Mais je me suis surtout en fait appuyé sur 2 ouvrages, ce Bachelard, l'esprit scientifique de Bachelard, et un livre que j'ai trouvé assez intéressant, passionnant, et d'ailleurs Yves pourra rebondir là-dessus parce que je pense que c'est des choses qui l'intéressent aussi, un livre d'une sociologue qui s'appelle Vera John Steiner, qui a écrit un livre qui s'appelle Notebook of the Mind, et qui va interroger et chercher à comprendre ce qu'est le processus créatif au sens large du terme. Elle interroge une centaine de personnes, des scientifiques, des artistes, des journalistes, des intellectuels, et elle essaie de voir comment finalement se structure la création d'idées nouvelles, l'esprit créatif au sens le plus large du terme. Et il y a évidemment plein d'endroits et plein d'entrées dans la naissance du savoir où on se rend compte qu'il y a évidemment entre la pensée scientifique et la pensée créatrice artistique une feuille de papier à cigarette, parce que les deux sont très très similaires. Hélène Lovenbruck, et aussi vous, Yves Agide, vous faites partie de cet échantillon, on a vos témoignages dans cet ouvrage. Hélène Lovenbruck, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de faire partie de cet échantillon? Ça a été un drôle de moment, en fait. J'avais accepté de participer à cet entretien parce que Nicolas Martin m'avait dit, bah oui, je m'intéresse à comment, quelle est la démarche scientifique, la pensée scientifique. Et donc, moi, j'avais envie de témoigner de ce que c'est de faire de la recherche. J'avais envie de faire ça parce que c'est important. Ça fait partie aussi de notre rôle de chercheuse et de chercheur de donner envie aux jeunes de faire ce métier. C'est important actuellement d'avoir des bons scientifiques bien formés. Donc j'avais accepté en tant que un petit peu passeuse de relais, mais pas en tant que grande scientifique. Donc là, je me sens un petit peu gênée d'être ici aujourd'hui. Mais c'était en fait un plaisir de répondre à ces questions parce qu'il a trouvé de bonnes questions qui nous ont permis, on le voit dans le livre, à chacune et à chacun de révéler une partie de notre intimité, de notre façon de voir, de concevoir le monde et notre façon de travailler, mais qui sont assez éclairantes en effet sur ce que c'est que la démarche scientifique. Imagine. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, hein. Absolument. Moi, je me suis demandé pourquoi Nicolas me demandait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui, tout d'un coup, à me demander de faire ça. Je ne suis pas un très grand scientifique, hein, je fais de la science, mais... pour répondre à plus précisément la question, je trouvais que c'est très intéressant, parce que moi, je vois des quantités d'étudiants qui commencent à faire des études de sciences dans le domaine, ou des études de médecine avec l'idée de faire de la recherche. Et quand on leur pose la question, oui, pourquoi vous faites ça, au fond ? Ah, je ne sais pas. Alors, la recherche, qu'est-ce que c'est pour vous, la recherche ? Ah ben, la recherche, j'ai lu un peu Claude Bernard, Darwin. Ah oui, mais au fond, ils ne savent pas très bien pourquoi ils font de la recherche. Et je trouvais, sans aller jusqu'à écrire un bréviaire du futur bon scientifique, je me suis dit que c'était quand même intéressant de poser cette question et que chacun des scientifiques qui ont quand même, nous avons tous une énorme expérience de la science d'une manière ou d'une autre, de dire mais au fond, et ça m'a obligé à réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça ? Alors moi, j'ai écrit un bouquin aussi sur ce problème de la créativité, de la découverte. Donc je me suis aussi posé cette question que je trouve fort importante, notamment pour les gens qui font des études supérieures. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mais même à l'école communale, même au lycée, il y a des gosses qui sont très curieux, qui ont envie de faire de la science. Pourquoi ? Oui, c'est un livre, d'ailleurs, vous venez de publier, Yves-Agide, l'ouvrage « Le cerveau, machine à inventer » chez Albin Michel, où vous aussi, hein, vous vous posez la question, existerait-il un profil type du découvreur ? Et dans ce cas, quelles seraient ses qualités ? Nicolas Martin. Non, ce qui est intéressant, ce que dit Yves, c'est que effectivement. Ce que j'ai trouvé, enfin, il y a plein de choses, enfin, qui ont été passionnantes et que j'ai vraiment, pour le coup, découvertes à travers ces entretiens. Et la plupart des chercheuses et des chercheurs que j'ai interrogés étaient assez décontenancés en fait par ces questions-là, parce que je suis vraiment allé gratter, toquer à la porte de, alors le point de début, c'est voilà comment, d'où apparaît la vocation, comment naît une vocation, dans quel contexte socioculturel, etc. Mais voilà, vraiment d'essayer de comprendre quelles sont les mécaniques de pensée, comment elles s'organisent, et c'est Alain Aspect qui m'avait donné son accord 15 jours avant son prix Nobel. On a eu un peu de mal à se trouver, mais on a réussi quand même à faire l'entretien. Et à la fin, Alain m'a dit vous me renverrez quand même tout ça, parce que j'ai jamais répondu à ces questions-là. Vous m'avez emmené dans des territoires que moi, ça fait 2 mois que j'enchaîne les entretiens pour le prix Nobel, et là vous m'avez un peu pris au dépourvu, parce que je m'attendais pas du tout à ce que vous alliez gratter dans ces zones-là. Et par ailleurs, j'ai renvoyé à tout le monde et à chacun des intervenants et des intervenantes le résultat de la transcription et de la réécriture de l'entretien, pour que il soit vraiment complètement raccord et qu'ils puissent le réécrire, l'amender, le préciser le cas échéant. Donc évidemment que j'ai renvoyé ça à Alain, mais c'était amusant, parce que je pense qu'effectivement, ce ne sont pas des questions qu'on pose globalement ou généralement aux chercheuses et aux chercheurs, quoi. C'est même des questions parfois qu'on pose surtout aux artistes, et ça aussi on y reviendra. Votre première question, Nicolas Martin, dans ce questionnaire, c'est en effet, c'est le premier souvenir de la vocation scientifique. Pourquoi commencer par là ? C'est pour voir s'il s'agit d'un déclic, d'un héritage socioculturel ? C'est exactement ça, c'est pour savoir si, c'est pour comprendre d'où ça vient et quel est le ticket d'entrée. Et si vous voulez, d'ailleurs, si je peux faire un petit crochet assez personnel et un peu intime sur cette question-là, c'est que, en fait, je crois que cette question de qu'est-ce qui détermine un parcours de recherche et une carrière de recherche au niveau, ou en tout cas reconnu par la communauté scientifique, c'est que je pense qu'en fait, je me demande à travers ça, quelle porte moi j'ai ratée en fait. C'est-à-dire à quel moment j'ai raté ce chemin-là. Parce que en vrai, à la grande question de savoir est-ce qu'il existe un esprit scientifique, la réponse est évidemment qu'il n'y en a pas un, mais qu'il y en a une diversité. La bonne nouvelle globale de tout ça, c'est de se dire qu'en fait, a priori, et sur la base de ces 17 entretiens, à peu près tout le monde peut devenir prix Nobel, en fait. C'est-à-dire que, même quand on voit les différences de profils socioculturels, il y a des chercheuses et des chercheurs qui viennent de milieux extrêmement populaires, je pense à Étienne Gis ou à Alain Aspect, des gens qui viennent plutôt, au contraire, d'un milieu intellectuel, bourgeois, comme vous, Yves, par exemple, notamment. Il faut le dire. Et du coup, j'ai essayé de comprendre effectivement comment naît l'intérêt pour les sciences. Et il s'avère que moi, quand j'étais môme, j'étais passionné par l'espace. Mon père travaillait chez Hachette, il m'amenait des livres de vulgarisation. Et je me souviens notamment d'un livre sur le système solaire que je lisais, que je relisais, que j'ai usé, que j'ai encore à la maison. J'étais plutôt bon élève, je m'intéressais aux sciences. Et pourtant, à un moment donné, j'ai pris un autre chemin. Quelle marche j'ai ratée ? Parce que, en fait, je pense que l'un des héritages de la méthode scientifique aussi, c'est que je me dis, après 6 ans, et puis après être parti notamment au Chili, et si vous avez écouté l'émission, vous savez que j'ai une petite tropisme pour l'astrophysique, je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas devenu astrophysicien ? Parce que si j'avais appris la physique, si on m'avait appris la physique, comme je l'ai appris pendant la méthode scientifique, je vous assure qu'aujourd'hui, je ne serais pas à ce micro et je serais quelque part à Paranal ou au Chili à passer mes nuits dans des salles de contrôle de télescope. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais est-ce que c'est vraiment important comme question ? Non, c'est important. Parce que finalement, oui, c'est sûrement important, bien sûr. Mais ce que je me demande, c'est quand on est un intellectuel, prenons l'exemple même des athlètes, par exemple. Si vous courez le 100 mètres en moins de 10 secondes, il est évident que vous allez bien sauter en hauteur, vous allez tout faire un 400 mètres comme il faut, etc. Donc finalement, si vous avez fait une belle carrière de journaliste, mais si vous étiez astrophysicien, vous avez probablement fait la même carrière. Hélène Leuvenbruck. Je pense que c'est une question importante. Et ce que dit Martin là, c'est on sent quand même un regret derrière ça. Non, c'est pas un vrai regret. Pas un vrai regret. Non, en tout cas, une interrogation. Une interrogation. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a quand même des éléments déclencheurs importants qui sont les personnes qu'on rencontre, les mentors, les personnes qui nous ont donné, renforcé notre confiance en nous-mêmes. Et les instituteurs et les enseignants ont un rôle crucial. Et ça, justement, il n'y a pas de ticket d'entrée pour devenir un scientifique, mais il y a quand même des invariants qui reviennent. Quels sont-ils restés avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h18 sur France Culture. Avec Hélène Leuvenbruck, Yves Agide, Nicolas Martin, nous nous posons cette question. Esprit scientifique, es-tu là ? Nous parlons de l'ouvrage de Nicolas Martin qui va paraître aux éditions Les Arènes, La naissance du savoir. Nous venons de dire qu'il n'existe pas de ticket d'entrée pour devenir un scientifique. Ce livre, d'ailleurs, ne prétend pas être un travail sociologique, épistémologique. C'est un recueil de témoignages. Il y a quand même des invariants qui reviennent dans ces carrières de grands chercheurs. Yves Agide, quels sont-ils ? Les invariants psychologiques, vous voulez dire la personnalité ? Oh non, de caractéristiques. Il y a quelque chose qui revient très régulièrement dans tous ces témoignages. Hein, c'est la curiosité. Oui, oui, oui. Ah, pas seulement. Ça, c'est la partie psychologique, parce qu'il y a l'acquis et l'inné, n'est-ce pas ? Alors, dans l'inné, c'est vrai que... Moi, j'ai essayé de faire la différence, d'ailleurs, entre ce que j'appelle les bons scientifiques, les scientifiques professionnels, qui sont vraiment... Et puis, quelles sont les qualités requises pour qu'un bon scientifique fasse une découverte ? C'est peut-être pas la même chose. Alors, juste une petite chose, dans le bouquin que j'ai fait... À la fin, quand je l'ai fini, je me suis dit, mais quelle est ma légitimité pour dire tout ce que j'ai raconté ? Donc j'ai interrogé quand même une cinquantaine d'académiciens, quelques amis philosophes, pour leur poser les questions. En fait, tout se recoupe, c'est exactement ce que vient de dire Nicolas, tout se recoupe. Alors d'un côté, certainement, il y a des mentors. Mais on parlait de François Lhermitte, par exemple, plus par hasard, vous l'avez mis en introduction. C'est quelqu'un qui a joué un rôle très important, mais sur le plan médical. Mais c'est quelqu'un qui avait... qui a cherché à penser autrement. Moi, je pense que les grands scientifiques, c'est des gens qui pensent autrement, qui pensent à côté, quoi. Il faut de l'audace. Et puis aussi, comme disait Gérard, mon ami Gérard Berry, il faut avoir de la chance, quoi. Évidemment, voilà, il faut avoir un peu de bol. Voilà. Mais les qualités, je pense qu'effectivement, il y a, pour être un grand scientifique, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir une bonne culture, quand même. Hein, et notamment l'histoire des sciences, que j'ai jamais fait, moi. Il faut avoir, il faut être persévérant. Il faut beaucoup travailler, etc. Il faut être rigoureux. Enfin, des choses assez banales. Ce qui fait le bon scientifique standard, c'est ce qu'un de mes amis philosophes appelle le performant conforme. Et puis, il y a le performant non conforme, c'est celui qui pense à côté. Et qui a de l'audace et qui prend des risques, quoi. Et comme je disais, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol, quoi. Hélène Löwenbrück, je reviens sur cette idée de curiosité, parce que c'est vraiment quelque chose qui infuse au fil des pages. La curiosité toute seule, ça suffit pas. Mais pourquoi est-elle à ce point présente? C'est parce que la formation scientifique incite à ça? Peut-être que la formation scientifique incite à ça, ou en tout cas, peut-être que la curiosité incite à faire une formation scientifique qui incite à ça. Je pense que la curiosité, elle est là chez l'être humain dès la naissance. Quand on observe des jeunes enfants, on voit cette curiosité à l'œuvre. Quand vous observez un enfant qui prend des cubes et qui essaye de faire un échafaudage ou qui prend une boîte et qui essaye de l'ouvrir, il y a derrière cette démarche de, un petit peu, de faire des hypothèses, d'essayer de comprendre le monde, essayer de découvrir ce qu'il y a de caché dans le monde. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a en nous et qui va, chez certaines personnes, rester tellement présente qu'elle va devenir obsédante, cette curiosité, et qu'elle va conduire à dédier sa vie à cette curiosité. Mais alors, Est-ce que c'est suffisant? Voilà, Parce que moi, j'ai connu plein de jeunes gens qui étaient curieux, etc., et qui sont devenus d'épouvantables mauvais scientifiques. Mais Hélène dit un mot très important, c'est obsession. Parce qu'il y a quelque chose d'obsessionnel, il y a une démarche très obsessionnelle. Alain Aspect le dit, il dit j'adore le mot obsession, et on voit, je pense aussi à Marc Lachaiseret par exemple, j'interroge les chercheuses et les chercheurs, notamment sur leur rapport au sommeil, et de voir, et je leur pose aussi la question de savoir si la recherche est plutôt génératrice de sérénité ou d'anxiété. Et on voit qu'il y a quand même, il faut avoir quand même un côté un peu obsessionnel, c'est-à-dire s'attacher à un problème, y revenir, ne pas le lâcher, être un peu opiniâtre en fait. Mais on parlait de la vocation, et je veux le redire vraiment assez fermement, parce que je pense que c'est aujourd'hui important, et c'est même important politiquement, de voir que à quel point, à un moment donné, souvent, il peut y avoir des vocations, de la curiosité naturelle, bref, quel que soit le milieu socio-culturel ou socio-professionnel, il y a quand même très souvent une rencontre avec un enseignant, avec un professeur, avec un instituteur ou une institutrice. Ça peut être en primaire, ça peut être au collège, ça peut être au lycée, ça peut même être plus tard à l'université, mais... En fait, on se rend compte que souvent, Alain Aspect en parle, Étienne Gis aussi parle de son prof de maths, Alain Aspect dit que son prof de physique lui a permis, en fait, son idée de résolution des inégalités de Bell lui vient finalement de très très loin et d'un moment donné d'un lien qu'il fait avec son prof de physique qui lui fait faire une expérience sur la résonance d'une corde. Et en fait, on se rend compte, et je pense que c'est aujourd'hui quand même essentiel de dire à quel point, bien, si on détériore l'éducation, si on détériore l'enseignement, eh bien, on perd également, à la fin, des chercheuses et des chercheurs, et on perd des carrières scientifiques. Donc, non, mais quand on voit aujourd'hui l'état de l'école et l'état de l'enseignement, et quand on voit les politiques qui se succèdent, et qui sont quand même, on demande de plus en plus de travail, enfin, on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent pour les concours, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment, ça demande, c'est plus qu'une vocation pour être prof, hein. Il faut vraiment avoir le cœur à l'ouvrage, et c'est vraiment, ça demande un engagement très important. Eh bien, voilà, ce livre rend hommage à l'importance fondamentale des profs dans toutes ou dans la majeure partie des carrières scientifiques et des grandes chercheuses et grands chercheurs. Il agit de l'importance des mentors. Vous avez évidemment parfaitement raison. Bon, dans mon cas, par exemple, c'est parce que moi, j'avais un père scientifique, par exemple, hein, qui est médecin et scientifique. Et quand j'avais 7 ans, il m'emmenait dans son laboratoire vers la rue d'Ulm, par là. Et puis, il avait des tubes qui étaient rouges. Et puis, il mettait quelque chose dedans, ça devenait jaune. Alors, c'était fascinant. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Il y a quelque chose qui est, disons, qui est de la fantaisie, qui est qui va faire que les gens, les bons grands scientifiques, sont des inventeurs. C'est ce que j'appelle, moi, le côté artiste, quoi. Hein. C'est quelque chose, il y a quand même une sorte de rêverie d'améliorer les choses, de progrès, de vouloir bien faire les choses, un certain idéal. Et je pense que les grands artistes sont comme ça. Donc je pense que les grands découvreurs sont des artistes. Oui, vous dites, il n'y a pas de bonne chance sans inventivité, sans créativité. Mais oui, parce que quand on parle de créativité, on parle de la découverte. C'est ce dont nous parlons maintenant. C'est-à-dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est-à-dire que c'est l'existant. On connaît mal l'existant. Mais il y a aussi l'innovation. C'est-à-dire améliorer l'existant, et un scientifique est obligé de bricoler tout le temps pour d'une manière ou d'une autre. Même, j'imagine, dans votre domaine, d'imaginer des machines, etc., etc. Et puis il y a le côté l'invention, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est créer à partir de rien. C'est ça, le peintre, l'architecte, l'écrivain. Hélène Leuvenbruck. Oui, moi aussi, je suis persuadée que les chercheurs sont des artistes et les artistes sont des chercheurs. Il y a vraiment, finalement, un grand parallèle entre la démarche scientifique qui vise à poser des hypothèses, à mener des expérimentations, à creuser toujours plus loin, à faire parfois des pas de côté pour mieux expliquer le monde, expliquer les phénomènes. Et puis, la démarche de l'artiste qui est aussi d'expérimenter, d'essayer de comprendre. Je voudrais citer Alberto Giacometti, un grand sculpteur qui a écrit lui-même « L'art et la science, c'est tâcher de comprendre ». Donc il y a vraiment derrière ces deux personnalités, cette envie profonde de comprendre, et ça amène à la créativité nécessairement. On parle de... Ah, pardon, Nicolas. C'est intéressant ce que dit Hélène, et c'est pour ça que je suis vraiment très très heureux de la voir et que je me suis dirigé vers elle aussi, parce que Hélène travaille sur la linguistique, sur la linguistique intérieure, un excellent livre qui s'appelle Le mystère des voix intérieures, qui a été aussi, d'une certaine manière, une source d'inspiration, parce que ce qui était intéressant en interrogeant Hélène sur son propre parcours, c'était aussi d'avoir son point de vue de scientifique sur la propre voix intérieure, qui est celle que j'interroge chez les scientifiques, parce que je demande à quasiment toutes et tous dans quel langage vous pensez. Est-ce qu'un mathématicien pense en équation? Alors ça, c'est très cliché de le dire comme ça. Est-ce que, par exemple, Edith Hurd, qui est britannico-grecque, est-ce qu'elle pense en anglais ou en grec, qui est sa langue maternelle? On a tous tendance à penser que la voix intérieure de l'ensemble de la population est la même que celle que nous avons, nous, individuellement. Or, pas du tout. Enfin, je veux dire, moi, effectivement, je parle beaucoup, je me parle même à voix haute, quand je réfléchis ou quand j'écris, je me lève, je tourne et je parle à voix haute. mais je pensais que beaucoup de gens faisaient comme ça. Pas du tout. Il y a plein de gens, notamment, par exemple, Carlo Rovelli, qui m'explique que, en fait, lui pense en concept. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un langage articulé. Il voit plus des images, il faisait quelque chose de très visuel. Et je lui demande, par exemple, Carla Rovelli, c'est quoi pour vous un espace-temps discret? À quoi ça ressemble des graines d'espace-temps? Et il essaye de me décrire ces trucs-là. Et d'ailleurs, c'est souvent des questions difficiles auxquelles les personnes que j'interrogeais ont eu du mal à répondre parfois. Hein. Hélène Leuvenbruck, hein, vous avez travaillé en effet sur ces questions des modes de pensée, du lien entre pensée et langage. On a plusieurs modes de pensée. Est-ce que entre un chercheur et un écrivain, c'est différent? Comment se structure la pensée? Je ne sais pas si c'est différent entre un chercheur et un écrivain, c'est une bonne question, mais en tout cas, on sait qu'il existe différents modes de pensée. Il y a des pensées plutôt visuelles, et donc ça, c'est super de lire ce livre. Je le recommande, je ne veux pas le spoiler, mais il y a des pépites. Notamment, il y a Étienne Gis qui explique que lui, donc, qui est mathématicien, et lui-même, il a une pensée qui est plutôt visuelle, et il a travaillé, je ne sais plus, avec un artiste, je crois, pour essayer de faire un rendu sur ordinateur de ses images mentales. Et donc, il peut nous montrer à quoi ça ressemble dans sa tête. Je trouve ça assez fascinant. Et donc, il y a des personnes qui réfléchissent avec des images, qui sont peut-être plutôt des films que des images, d'ailleurs, comme il le dit lui-même. Il y a des personnes qui ont besoin de mots pour raisonner. Et puis, il y a des personnes qui ont un mode de pensée qui est amodal, c'est-à-dire qui ne passe par aucune sensorialité. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de son. Mais c'est une pensée abstraite. Et voilà. Imagine. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. On parlait avec Hélène tout à l'heure de savoir quand d'où vient la pensée, d'où vient le langage. Est-ce que c'est la pensée qui est à l'origine du langage? Ce que je pense, moi, le langage, je le vois comme l'instrument de la pensée. Mais à l'origine, chez l'homme, chez Homo sapiens, au tout début, qu'est-ce que ça a commencé par quoi? Par les mots ou par les idées? Enfin bref, c'est une autre chose. J'ajouterais une autre chose, ce que j'ai bien compris, vous l'avez certainement noté aussi, Nicolas, c'est parmi tous les chercheurs que vous avez interrogés, c'est la sensibilité. Ils insistent tous sur ce sujet-là. C'est-à-dire, si vous voulez, quand vous faites quelque chose, quand vous décidez quelque chose, il y a quelque chose d'intellectuel, effectivement, de raisonnement, mais il y a toujours quelque chose d'émotionnel. Et la décision, votre comportement, c'est la somme, la conjugaison d'à la fois de l'intellect et de l'émotion. Oui, il y a quelque chose que je trouve très très joli. Moi, je pense que, enfin, ça fait partie des choses qui m'émeuvent parce qu'elles me parlent directement. Donc ça me touche moi. Je sais pas si, de la même façon. Je sais pas si ça touchera tout le monde de la même façon. Ouais. Mais moi, c'est Jean-Jacques Hublin qui me dit quelque chose que je trouve incroyable et qui, moi, je pense, enfin, quelque chose que je sais pas si je vais dire que je l'attendais parce que je l'avais pas formalisé comme ça, etc. Mais le fait de le verbaliser, moi, c'est quelque chose qui m'a absolument mais ému vraiment. Jean-Jacques Hublin dit, en fait, vous rendez compte quand même de la puissance quand on est scientifique à un moment donné de découvrir quelque chose et d'être le premier être humain sur Terre à faire progresser ce petit coin de connaissance. C'est-à-dire d'être le premier à avoir à un moment donné cette idée-là, vous êtes le premier, ensuite elle va devenir une idée que va s'approprier la collectivité, mais vous serez la première personne, le premier être humain au monde et à jamais à avoir eu cette idée-là et avoir fait grappiller un peu de connaissances sur l'ignorance. Je trouve ça génial. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Ça va dans le sens. C'est cette sensibilité qui est le propre des grands découvreurs, avec la joie. D'abord, la joie de faire la recherche, mais la joie de découvrir. Ça, je crois que c'est très, très important. Alors, comment devient-on le premier à avoir eu une idée nouvelle? Depuis les années 2000, les neurosciences tentent, après la psychologie et les sciences cognitives, de comprendre les processus mentaux et cérébraux qui font naître l'étincelle. D'un point physiologique, comment s'explique la pensée? Quels sont les mécanismes à l'œuvre dans le cerveau? Restez à l'écoute. 100 plus, le cerveau carré à 16h34 sur France Culture, car nous parlons du cerveau des grands chercheurs, ou plus précisément de ce qui caractérise la pensée scientifique, avec Nicolas Martin, auteur, scénariste, réalisateur et ancien producteur de la méthode scientifique sur France Culture, et Hélène Lovenbruck, linguiste et neuroscientifique, directrice de recherche au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition à Grenoble, et Yves Agide, professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire, membre de l'Académie des sciences. Nous venons de voir qu'il n'y a pas de mode de pensée unique, que est-ce que si des domaines de recherche ont un mode de pensée récurrent, non, ce n'est pas réservé à une discipline scientifique. À présent, comment naissent les idées scientifiques? Hélène Lovenbruck, Einstein avait un jour dit à Paul Valéry, vous savez, une idée, c'est si rare. Qu'est-ce que c'est une idée finalement? C'est une bonne question. C'est... Alors, la définition du langage commun de l'idée, en fait, c'est l'aboutissement d'un raisonnement. C'est le résultat d'une pensée. Une pensée qui peut être consciente et une pensée qui peut être non consciente. C'est-à-dire que l'aboutissement peut se faire sans qu'on l'ait vraiment délibérément décidé. Et puis, d'un point de vue... il y a d'autres acceptions philosophiques du terme d'idée, notamment... si on revient à Platon, si on revient à cette idée, cette notion que l'idée, c'est une représentation, une sorte d'état mental représentationnel des objets. Donc, je ne sais pas exactement duquel vous voulez parler. C'est très difficile de définir l'idée, mais finalement, si on prend le langage commun, c'est une sorte d'innovation qui serait l'aboutissement d'une réflexion intense. Imagine. Vous avez répondu. Encore une fois, je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'émotionnel tout de même qui peut déclencher cette idée. Dans la découverte, moi, je voyais deux choses. C'est que l'idée, elle vient après un étonnement et donc un questionnement. C'est-à-dire qu'on se surprend. Tout le monde sait ça. On est étonné, on est surpris et là, on a l'idée. Et cette idée, la question, c'est que l'expérience, là, elle vient soit de manière complètement inattendue, c'est-à-dire on fait quelque chose, on cherche quelque chose, et puis on remarque quelque chose qui vous étonne et auquel on ne s'attendait pas du tout. Et à ce moment-là, on change éventuellement de son fusil d'épaule. Mais généralement, on a une idée préconçue. On a une idée avant. Même si elle est sournoise, même si elle est derrière... Et donc, finalement, on croit que l'illumination arrive comme ça, mais en réalité, il y avait une idée derrière. Donc, moi, j'ai donné plusieurs exemples dans ce bouquin sur ce sujet-là. Est-ce qu'on sait ce qu'il se passe dans un cerveau qui pense, qui élabore une idée? Alors, oui et non. Il faut savoir comment on conçoit un cerveau. Un cerveau, pour moi, je donne mon avis personnel, c'est une machine. C'est une machine vivante qui reçoit des informations par les cinq sens. Par exemple, je vous vois, je vous ai entendu. Et puis ensuite, deuxièmement, ces informations sont traitées dans le cerveau pour donner des pensées, des émotions essentiellement, qui sont mémorisées, qui peuvent donner du langage, etc. C'est compliqué après. Et puis troisièmement, surtout, le cerveau va agir sur l'environnement, qui va modifier. Autrement dit... Le cerveau, c'est une machine qui est presque en dérivation sur l'environnement. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'on connaît bien les perceptions, on connaît tous les chemins qui amènent les cinq sens à vous donner une idée. Ensuite, un peu c'est comme dans un superordinateur extraordinaire, parce que finalement... ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, tout ça, c'est des informations qui vont être transmises sur des circuits électriques, sur des neurones, sur des routes, avec de l'électricité. C'est des informations qui vont s'agencer de manière très complexe selon un code qu'on commence à découvrir, mais qui n'est pas parfaitement découvert. Comment, au fond, c'est comment de la matière produit de la pensée, c'est pas complètement résolu. Et ces informations, une fois qu'elles sont traitées de cette manière, processed, on dit en anglais, à ce moment-là, ça vous permet d'agir. Ce qui se passe sur le plan de l'action, quand je parle, par exemple, maintenant je fais des gestes, mon comportement, tout ça, c'est que du moteur. Donc, la perception et la motricité, on connaît bien. Ce qui se passe au centre, c'est un petit peu plus compliqué. Hélène Lovenbruck. Oui, alors, et pour compléter, il y a quand même eu quelques travaux très rares, hein, sur le moment de la découverte du Eureka, le aha. J'ai trouvé. Voilà. Il y a quelques équipes qui ont essayé de montrer un peu les réseaux cérébraux qui seraient activés dans ce moment-là. Évidemment, c'est des recherches qui peuvent pas tellement, enfin, qui ont besoin d'être répliquées un grand nombre de fois avant qu'on puisse être satisfait de ce qui est trouvé. Mais en effet, il y a quand même les réseaux de l'émotion qui sont en jeu. Donc ce sentiment aha, il est vraiment connoté avec un moment de jubilation intense qui est... Et là, on retrouve en fait, chez le chercheur qui a son moment d'eureka, on retrouve une jubilation qu'on retrouve aussi chez les artistes. C'est-à-dire que c'est ce que dit Germaine Richier, cette grande sculptrice qu'on peut voir actuellement au centre Beaubourg, Pompidou. Elle dit, le but de la sculpture, c'est d'abord la joie de celui qui l'a fait. Donc, quand on est artiste, on le fait parce que ça nous procure de la joie. Quand on est chercheur, on le fait parce que ça nous procure de la joie. Sur cet instant Eureka, Nicolas Martin, instant Eureka qu'on appelle aussi l'insight ou le satori, hein, qui est l'équivalent japonais, vous posez cette question aux personnalités que vous rencontrez. Est-ce que l'instant Eureka existe? Est-ce que c'est un mythe? C'est intéressant parce que, oui, c'est une question que j'ai posée absolument à tout le monde. Et en fait, les réponses sont assez convergentes sur cette question. C'est de se dire que qu'il y ait à un moment donné un déclic, une sorte de révélation, ce côté un peu immanent de la pensée qui arrive et qui tombe, c'est assez indiscutable. Néanmoins, toutes et tous sont d'accord pour dire que le Eureka qui sort de nulle part n'existe jamais, en fait. Le Eureka, et Yvagine vous le dirait mieux que moi, c'est en fait l'accumulation de savoir, de connaissances. Carlo Rovelli le dit très bien, il dit on est face à un mur, le mur de la connaissance, et on en cherche les aspérités, on cherche, on lit beaucoup, il y a ça aussi quelque chose qui revient beaucoup, hein, la nécessité de lire et de se documenter énormément pour pouvoir trouver la petite faille dans le mur, le petit trou où on va pouvoir gratter et repousser un peu le mur d'autant. Et donc en fait, le Eureka, Étienne Gis le raconte, c'est la fameuse légende de Poincaré qui aurait eu son idée géniale en montant dans l'omnibus. Il y a aussi quelque chose ce côté magique peut aussi provenir du fait que le Eureka vient dans des moments où le cerveau justement n'est plus sollicité de la même façon. C'est-à-dire que le cerveau est au repos, donc dans des activités routinières, en faisant de la marche, en se promenant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se libère de l'espace mental, d'un seul coup, le cerveau qui ne cesse de travailler sur toutes les connaissances accumulées dans les jours et les mois et les années précédentes, à un moment donné, finalement, va faire presque de lui-même une forme de synthèse et qui, d'un seul coup, débouche et apparaît comme étant cette idée. Mais l'idée ne vient évidemment pas de nulle part. Elle vient avant tout du travail et de la recherche permanente, d'accumulation de connaissances pour précisément trouver les tout petits espaces dans lesquels, les interstices dans lesquels peut se glisser la pensée d'une nouveauté. Imagine. Oui, tout à fait, Nicolas, vous avez bien résumé. Si on essaie de plaquer ce que vous venez de dire sur ce qu'on sait du fonctionnement cérébral, on connaît assez bien quand même les routes de la pensée dans le cerveau. Ça veut dire deux choses. Un, c'est que quand on travaille en pleine conscience, c'est-à-dire on est conscient, je suis conscient de vous voir, je me rapporte à vous, que vous, je vous vois et je vous ai entendu. Le chercheur, ça se trouve, passe pas comme ça. Vous citiez l'exemple d'Henri Poincaré. Ça faisait 3 ans qu'il cherchait son fameux théorème. Et finalement, il le trouve en montant l'omnibus, alors qu'il pense à toute autre chose. Il veut prendre l'autobus. Tac, ça survient. Autrement dit, ça veut dire quelque chose de fondamental. C'est que l'essentiel du travail intellectuel, qui est celui du chercheur, mais celui de tout le monde, entre parenthèses, il n'est pas conscient. C'est subconscient, c'est inconscient. Et ça colle avec une idée que je trouve fondamentale, que les gens n'ont généralement pas. C'est-à-dire que le cerveau travaille avec une énergie monumentale, 10 fois plus que tous les autres organes, mais en permanence. En permanence, c'est-à-dire nuit et jour. Autrement dit, comme on ne pense pas consciemment tout le temps, ça veut dire qu'on a une pensée inconsciente permanente. Alors comment un chercheur peut-il proposer une nouvelle théorie? L'un des ingrédients, c'est bien sûr la créativité. Lorsqu'on parle de créativité, on pense immédiatement aux activités artistiques. Mais voilà, depuis tout à l'heure, nous en parlons pour les sciences. Et on en parle aussi avec vous, Natacha Demoule. Bonjour. Bonjour, Natacha. Pour le reportage du jour et pour percer le mystère de la créativité, vous avez rencontré les équipes du Front Lab de l'Institut du Cerveau à la Pitié-Salpêtrière et à l'INSERM. Oui, en neurosciences, on définit généralement la créativité comme la capacité de réaliser une production à la fois originale et appropriée au contexte. Mais un troisième aspect pourrait entrer en jeu, le plaisir qu'on trouve à la produire. Emmanuelle Vol et Alizée Lopez-Persen sont chercheuses à l'INSERM dans l'équipe Front Lab. Elles s'intéressent au rôle de nos préférences pour certaines idées et au plaisir qu'on peut trouver ou pas à produire ces idées créatives. Alors, qu'est-ce qui pourrait amener un chercheur à exprimer une idée plutôt qu'une autre ? Et y a-t-il des personnes qui auraient un profil plus créatif que d'autres ? Avec Gino Battistello, en stage avec elle à l'Institut du Cerveau, elles nous font découvrir leur protocole pour tenter de répondre à ces questions. Je vais vous donner un mot, par exemple le mot « vache ». Et la première chose que vous allez faire, c'est me répondre le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je le dis. Ok ? C'est bon. Alors, on y va. Cause. Effet. Pierre. Rouler. Habitude. Monotone. Ok. On va passer à une deuxième tâche. Donc, dans cette tâche-là, ce qu'on va faire, c'est que, à la place de me donner le premier mot qui vous vient à l'esprit, il va falloir que vous me donniez une réponse qui soit toujours associée au premier mot, mais cette fois qui soit beaucoup plus éloignée. Donc, il va falloir penser créativement, être créatif, mais compréhensible aussi. Alors, le premier mot, c'est sens. Quarantaine. Ok. Lune. Chanson. Jeunesse. Erreur. Ok, super. On va faire maintenant, je vais vous redonner les associations de mots que vous m'avez données et vous allez m'indiquer à quel point vous avez été satisfait de la fournir. En réponse au mot lune, vous m'avez dit chanson. À quel point vous aimez cette réponse ? Sur une échelle de 0 à 10, on va dire. Je dirais 8. Ok. En réponse au mot jeunesse, vous m'avez dit erreur. 8 aussi. Ok. Donc là, c'était juste un exemple. Gino jouait le rôle d'un participant et moi, je jouais le rôle de l'expérimentateur. Dans la situation réelle du laboratoire, les participants viennent au laboratoire faire une expérience et les mots s'affichent à l'écran et les participants doivent taper leur réponse au clavier. Donc, qu'est-ce que vous avez mesuré et pourquoi exactement ? Donc, ce qu'on mesure ici, la première tâche, où on répond la première chose qui nous vient à l'esprit, elle fait office de condition contrôle. On mesure une condition où on n'a pas de réponses créatives qui sont données. Et ce qu'on mesure principalement ici, c'est à quel point les gens aiment leurs idées, parce qu'on cherche à savoir si les préférences, donc à quel point on aime nos idées, jouent déjà un rôle dans notre créativité. Donc par rapport à ce protocole que vous venez de nous présenter, quels ont été les résultats pour le moment ? Donc là par exemple tout à l'heure, Gino en réponse au mot lune, il a dit chanson et il l'a dit très rapidement et après il a indiqué beaucoup aimé cette association. Donc ça c'est l'illustration du résultat, plus on aime une idée, plus on veut la fournir rapidement, c'est une forme d'énergisation du comportement, on a envie de vite verbaliser, tester l'idée qu'on vient de générer. C'est une manière de l'interpréter. Ok. Cette fois, vous allez me dire à quel point vous trouvez que ces deux mots sont associés. Donc, l'association qui a été faite, elle est adéquate. Donc, par exemple, pour le mot « jeunesse », vous avez répondu « erreur ». Je dirais qu'elles sont à 8 sur 10 en adéquation. Ok. Et en originalité ? 7 sur 10. En réponse au mot « lune », vous m'avez dit « chanson ». À quel point cette association est adéquate ? 8 sur 10. Et à quel point elle est originale ? 8 sur 10. Ok, très bien, merci. Le deuxième résultat qui est important, c'est qu'il ne suffit pas d'aimer ses idées pour être créatif. C'est qu'il faut les aimer d'une certaine manière. En fait, on a regardé à quel point c'était important pour les individus, par exemple, de valoriser à quel point l'idée est originale. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que globalement, on arrive à être plus créatif si on pondère plus l'originalité dans nos préférences. D'une certaine manière, si on est quelqu'un qui aime beaucoup l'originalité, on va avoir tendance à être plus créatif que si on favorise beaucoup plus l'adéquation, par exemple. Il y a d'autres questions qui se posent, c'est la question des bases cérébrales qui peuvent être liées à cet effet des préférences individuelles, le réseau de récompenses qui est impliqué dans tous nos choix, par exemple de nourriture. Nous, on pense que ce réseau cérébral, il est aussi impliqué dans la créativité et les résultats comportementaux semble confirmer cette hypothèse, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est une étude d'IRM fonctionnelle qui permettrait de démontrer que le réseau de récompense est impliqué en créativité. Et on a des résultats préliminaires qui vont effectivement dans ce sens. En fait, on pense que ce réseau cérébral va être en interaction avec deux réseaux cérébraux principaux qui ont été déjà identifiés en créativité. Et ça, c'est Emmanuel qui va en parler. Donc pour la créativité, une des hypothèses actuelles, c'est de penser que la génération d'idées passe par une génération spontanée par association d'idées qui serait gérée par le réseau par défaut. C'est un réseau qui est impliqué, par exemple, lorsqu'on laisse son esprit vagabonder librement et spontanément. Lorsque des idées candidates sont particulièrement intéressantes, elles seraient détectées par le réseau de science. On pense que ce réseau de science, il sert à détecter dans l'environnement d'un sujet, environnement externe ou environnement interne, c'est-à-dire notre monde mental, quelles sont les idées, les informations qui sont particulièrement importantes et pertinentes pour l'individu. Le réseau de science, il passerait l'information au réseau de contrôle pour s'assurer que l'idée est bien appropriée et bien originale. Par rapport à tout ça, quelles sont les prochaines recherches que vous souhaiteriez faire ? La question qui se pose à l'issue de l'étude qu'on a présentée aujourd'hui, c'est de savoir comment le réseau de la récompense qui nous permet d'évaluer les idées candidates qu'on génère, comment il est en interaction, comment il s'intègre avec les autres réseaux de la créativité qui sous-tendent d'autres processus de la créativité. Merci Natacha Demoul pour ce reportage. Imagine une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Ah oui, mais j'ai entendu ce que disait Emmanuel Vol et la personne qui parlait avec elle. C'est vrai que on est en permanence en train de penser, même quand on a l'impression de pas penser. Mais la question que je me pose, moi, c'est où ça se passe dans le cerveau. Et la seule question, on peut dire beaucoup de choses, mais la question fondamentale à se retenir, c'est que le cerveau humain est différent de celui des animaux, des mammifères en général. Pourquoi ? Parce que c'est la partie tout entière, le tiers entier du cerveau. C'est celui qui planifie tout, qui contrôle tout, c'est le chef d'orchestre. Mais en plus, c'est là que se passe la créativité. Nicolas Martin. Oui, moi, je voudrais dire un petit mot de conclusion. Dans ce bouquin, à travers ces entretiens, mais un peu comme la méthode scientifique, l'idée, c'est qu'évidemment, c'est un livre qui parle de science, mais c'est un livre surtout où on entend parler les chercheuses et les chercheurs. Et en fait, moi, ce que j'en tire, outre ces parcours, beaucoup d'intelligence, d'humilité, c'est surtout beaucoup de sympathie. C'est-à-dire qu'on a encore parfois un peu cette image d'Épinal du chercheur loin, inaccessible dans son laboratoire, etc. Ben moi, après ces entretiens, ben en fait, je les trouve sympas, en fait. Ils sont hyper sympas, c'est agréable. C'était un plaisir. Et puis, j'ai envie de partir en Vespa avec Evelyne Ayer sur les routes. J'ai envie d'aller à Djebel Irout sur les fouilles avec Jean-Jacques Hublin. Enfin, ou avec Sabrina Krief dans les forêts du Congo, du Rwanda. Bref, en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut y retrouver chacun un petit bout de nous, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et surtout pour les plus jeunes générations, si vous avez des mômes qui sont intéressés par les sciences, je pense que c'est un livre qu'on peut mettre dans les mains à partir de 13-14 ans, parce que ils vont trouver des petits bouts d'eux, et ils vont se reconnaître, ils vont se dire, peut-être que moi aussi je peux faire ces carrières de recherche, et ce serait un bel objectif pour ce livre. Mais c'est très intéressant, parce qu'en effet, dans tous ces témoignages, il y a quelque chose où ça désacralise un peu, ça montre que la science, c'est quelque chose d'apporter tous, et c'est aussi le job de la vulgarisation, Nicolas Martin. La science est faite par des êtres humains, et comme le dit très bien Evelyne hier, globalement, les êtres humains sont sympas. Merci à vous trois d'avoir été particulièrement sympas pour cet entretien. Je rappelle, Nicolas Martin, que votre ouvrage « La naissance du savoir » aux éditions Les Arènes sera disponible jeudi, le 11 mai. Votre ouvrage « Ivagide, le cerveau machine à inventer » est déjà disponible aux éditions Albin Michel. Il est temps à présent de retrouver un autre, Hélène Lovenbruck, en effet les mystères des voix intérieures, et oui, chez De Noël. Eh bien, il est temps de retrouver un autre grand nom de la vulgarisation, Étienne Klein, et sa chronique, Le pourquoi du comment. Comment la notion d'énergie noire est-elle née ? En cosmologie sont apparus deux problèmes dont nul ne sait prédire sur quel bouleversement ils pourraient déboucher. Ils concernent l'un comme l'autre l'inventaire du contenu matériel de l'univers. On a découvert qu'une grande partie était de nature parfaitement inconnue. Or, selon la théorie de la relativité générale, c'est le contenu de l'univers qui détermine son évolution, celle qu'il aura dans le futur, mais aussi celle qu'il a eue dans le passé, y compris dans son passé le plus lointain. Voilà pourquoi, depuis quelques années, les physiciens parlent de matière noire et d'énergie noire. Parlons aujourd'hui de l'énergie noire. Il y a une vingtaine d'années, les astrophysiciens ont constaté que l'expansion de l'univers est en phase d'accélération depuis plusieurs milliards d'années. Qu'est-ce à dire ? Dans le processus d'expansion, la gravitation, qui est toujours attractive, fait office de frein. Elle tend à rapprocher les objets massifs les uns des autres, de sorte que la matière ne peut que ralentir l'expansion de l'espace-temps. Mais ce que montrent les mesures, c'est qu'un autre processus s'oppose à elle, en jouant au contraire le rôle d'accélérateur. Tout se passe comme si une sorte d'antigravité avait pris la direction des affaires, dilatant de plus en plus l'espace et augmentant sans cesse la vitesse de son expansion. Quel est le moteur de cette accélération ? Plusieurs pistes sont évoquées, mais aucune n'est sûre. Prudent, les physiciens parlent d'une mystérieuse énergie qu'ils qualifient de noire. Elle est ainsi nommée d'une part parce qu'on ne la voit pas, d'autre part parce qu'on ignore sa véritable nature. Les plus courageux des physiciens avancent quand même quelques hypothèses. L'énergie noire pourrait être la constante cosmologique, dont elle a la saveur, la couleur et l'odeur, mais sans qu'on puisse toutefois certifier que la première se confond avec la seconde. Ce paramètre, introduit par Einstein en 1917, équivaut à une sorte de répulsion de l'espace vis-à-vis de lui-même. Dès lors, si sa valeur est non nulle, il devrait imprimer une accélération de l'expansion de l'univers. Mais d'autres pistes sont évoquées. Par exemple, que l'énergie noire provienne d'une matière exotique capable d'accélérer l'expansion. Cette matière exotique, radicalement différente de la matière que nous connaissons, représenterait une part notable de la masse de l'univers. Mais de quoi est-elle faite ? La question, là encore, reste entière. Autres exemples parfois cités pour expliquer la nature de l'énergie noire, le vide quantique, même si rien ne permet d'affirmer qu'il exerce une influence gravitationnelle sur l'univers, d'éventuelles dimensions d'espace-temps supplémentaires, une mystérieuse quintessence ou encore le champ de Higgs associé au boson du même nom qui pourrait lui aussi accélérer l'expansion. En attendant d'y voir plus clair, retenons ceci. La matière visible, ordinaire, benoîtement constituée d'atomes, celle qui compose nos corps, les planètes et les étoiles, n'est en réalité qu'une frange marginale du contenu de l'univers, son écume visible, on pourrait dire. Elle ne représente que 3 ou 4% du total, pas plus. Les physiciens ont donc du pain noir sur la planche. Mais heureusement, le télescope spatial Euclide de l'ESA, qui sera lancé dans quelques mois, devrait leur permettre de progresser en recueillant de précieuses données. Et qui sait, peut-être pourront-ils bientôt reprendre à leur compte cette fulgurance de Gaston Bachelard. « Dans la nuit de la matière, écrit-il, fleurissent des fleurs noires. Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum. » Fin de citation et fin de chronique. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Céline Lausanne, Mariam Ibrahim, Nafi Terras. À la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Cette émission se podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.